voit déjà tomber des feuilles d'automne un peu avant l'été. Et toi, tu me donnes Frozen Bone when love has gone. What there's instead my breeze when we don't kiss. On a déjà dansé au milieu de la foule, âme sans rappeler, roule, boule. Le lit était bien fait et tout contre toi. J'ai un peu cru au fait, accroché à la joie. Frozen bone when love has gone. What death instead my breath when we don't kiss. Roule les voitures, je quitte ton village et sa belle nature. Demain j'ai quel âge? Une dernière chanson pour te remercier. Je m'en vais pour de bon, s'en va scier. Frozen bone when love has gone. What death instead my voice when we don't kiss. Et je prendrai soin des souvenirs de mai à juin. Appelle-moi si besoin. Au mieux, je serai un peu loin.